Vous écoutez La Ligne Ouverte des Aigles avec Simon La Liberté en direct du Stade des Aigles et Mathieu Plante à la mise en onde au studio de Cifou 89 FM. De retour sur les ondes de Cifou 89 FM, on va être prêt à débuter cette tribune téléphonique. La question ce soir, elle est bien simple. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec la décision de congédier le gérant Pierre-Luc Laforêt? Mathieu, à qui qu'on parle en premier? Oui, salut Simon, bonsoir premièrement. Je trouve qu'on a vraiment un excellent roaster, comme vous dites en sport. Là. et moi, ça me rappelle les arachides grillés, un roaster. Donc, commençons avec un habitué de l'émission qui veut nous parler de la game de ce soir. Pour commencer, donc voici Charles Bournival. Salut Charles, ça va bien? Salut Simon. Donc Charles, parlons de la question de ce soir. En accord ou en désaccord avec le congédiement de Pierre-Luc Laforêt? Ben, je serais peut-être en accord parce que j'avoue que Pierre-Luc Laforêt, il faisait vraiment son fou quand il faisait son fou au stade, mais je suis en accord. Donc, toi, tu t'attendais à ce que le gérant soit congédié dans les prochains jours? Oui, parce que tu connais bien Pierre-Luc, tu penses souvent avant le match quand il... Comment je pourrais dire ça? Il fait son fruit devant l'artificiel. Donc, oui, mais en même temps, il faut comprendre la forêt de vouloir fouetter son équipe en faisant ce genre d'action. Donc, la forêt est congédiée, mais au match de ce soir, Charles, qu'est-ce que tu as pensé des deux matchs des Aigles face au Capital? Ben, le premier face au Capital, c'était bon, mais le deuxième, des erreurs... C'est pas fond. C'est certain que Matteo a commis une erreur, notamment, qui a coûté cher. Mais un programme double contre Québec, aller chercher une victoire contre l'équipe de tête du classement. Toi, est-ce que Charles, c'est quelque chose que tu es content de voir? Matteo deuxième, moi je l'ai mis au premier, Matteo. C'est certain. Matteo est un bon joueur de premier but, mais avec la blessure de Morales. Et dans le cas de Colby, je vais aller voir pourquoi il n'était pas d'office au deuxième. Peut-être une blessure lui aussi. Donc, Poulain est un petit peu menotté ce soir. C'est ce qu'on a remarqué, là. Donc, merci beaucoup, Charles, pour ton appel. Ben, ça fait plaisir, Simon. Bonne soirée. Et bonne soirée. Bon, maintenant, Mathieu, à qui qu'on parle? Simon, tu lis pas mes messages. Oui, donc on va patienter quelques secondes pendant que Mathieu va rejoindre le prochain intervenant. Donc, je vous rappelle, ce soir, les Aigles qui l'ont emporté 4-3 et se sont inclinés 5-1. Et les 3144 spectateurs sont toujours présents dans les gradins du stade. Pourquoi? Puisqu'ils attendent le feu d'artifice présenté par le Prix du Gros. Et c'est la première fois que je vois ça. Présentement, il y a un véhicule au champ centre qui place les feux d'artifice. Et une chance qu'ils ne vendent pas vers le stade, puisque c'est un petit peu dangereux dans ce genre de circonstances, mais j'imagine que la compagnie sait ce qu'elle fait. Donc, on aura droit au feu d'artifice d'environ 5 minutes, nous dit-on. Et du côté des Aigles, ce soir, qu'est-ce qu'on doit tenir? Le retour au jeu de Merchant, c'est rassurant. Il a été très bon au troisième, a frappé quelques coups sûrs également. Donc, lui, lorsqu'il sera en santé à 100%, on parle peut-être 90% présentement dans le cas de Merchant. Donc, lui va réintégrer l'alignement tranquillement, pas vite. On va le placer au poste de troisième but pour commencer. Et c'est un petit peu qu'est-ce qu'on parlait avec Charles. Pourquoi placer Matteo au deuxième ce soir? On n'a pas vraiment le choix. On va aller voir qu'est-ce que Colby avait. T'as Brockett, un joueur d'arrêt court qui, à la base, n'est pas un joueur d'arrêt court de calibre de la Ligue Can-Am. Au troisième, tu as Merchant, qui habituellement est un joueur d'arrêt court. Et au premier, bien, c'est Danny Richer. Donc, les Aigles bougent beaucoup avec leur alignement dans les derniers jours et n'ont pas vraiment le choix de le faire. Et c'est une contrainte que doit surveiller Maxime Poulain, le gérant, qui s'amène dans ce genre de situation avec beaucoup de blessés. Mathieu m'informe que le deuxième intervenant est prêt. Là, c'est vrai, t'es pas assez patient, Simon Laliberté. donc, le prochain appel, c'est Serge Gauthier, le voici. Bonsoir, Serge, ça va bien? Oui, bonsoir, Simon. Serge, je vais m'examiner avec la question ce soir, en accord ou en désaccord avec le congédiement de Pierre-Luc Laforêt. Je ne suis pas d'accord avec le congédiement. Dans les circonstances, à mon avis... de faire le congédiement puis de placer Maxime Poulin comme intérim, je trouve que c'est de très mauvais goût. Si Marc-André Bergeron avait décidé de congédier Pierre-Luc Laforêt et qu'il était arrivé avec quelque chose de spécial, j'aurais pu comprendre. Mais là, de dire à Maxime, en plus, ben t'es par intérim, je regrette, là. Mais les gens de Trois-Rivières ont raison d'être choqués. Et cette saison, Pierre-Luc Laforêt, c'est sûr que Pierre-Luc a fait des erreurs. Pierre-Luc n'est pas parfait. Mais par contre, quand on considère toutes les blessures que les joueurs ont eues, faut comprendre que, oui, c'était une mauvaise saison. Mais Pierre-Luc a démontré, dans le passé, il a même amené ses joueurs au championnat l'année passée. Alors, il aurait pu laisser aller pour la fin de la saison. Alors, c'est mon avis, là, bien sincèrement. Et laisser Pierre-Luc jusqu'à la fin de la saison et le congédier par la suite ou lui donner une autre chance l'an prochain? Bien, j'aurais laissé finir la saison à Pierre-Luc Laforêt. Et à ce moment-là, là, tu évalues, premièrement, est-ce que Pierre-Luc se sent d'attaque pour revenir? Est-ce qu'il n'a pas aimé l'expérience cette année? En tout cas, on discute après ça. Mais là, de congédier et de mettre quelqu'un dans l'intérim, sans présenter quelqu'un, si on disait bon, on a congédié Pierre-Luc Laforêt, et puis on va chercher à l'époque comme Moïse Sadou, admettons comme coach, ah ben là, je dirais, il y a peut-être des raisons de faire ça. Mais d'agir de la façon qu'il a agi, je regrette, mais c'est pas correct. Et j'ai aussi été à Ottawa pour deux matchs cette semaine. Et j'ai parlé avec les joueurs. Et avec Maxime Poulin, entre autres. Et puis, les joueurs sont complètement choqués de cette attitude-là. Et je peux vous dire, sincèrement et honnêtement, que tous les joueurs détestent Marc-André Bergeron au collectif. Et considèrent qu'il a très mal agi. J'ai un commentaire d'un de nos joueurs réguliers qui a dit game de baseball, c'est le terrain. C'est pas Pierre-Luc Laforêt qui est responsable de ce qui est arrivé. Alors, c'est mon commentaire. Donc, merci beaucoup, Serge. Et on va se quitter puisque je vous vois dans les gradins avec votre téléphone et on entend beaucoup de feu d'artifice présentement. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et on se revoit très bientôt au stade. OK. Merci. Bye. Voilà, c'était Serge Gauthier et vous entendez probablement présentement les feux d'artifice et comme on dit dans le jargon, ça pète très fort. Et on a eu presque, je ne sais pas, vous, là, à la maison, dans le véhicule, si vous avez été capable d'entendre les propos de Serge malgré les bruits derrière. Mais pendant que Mathieu appelle le prochain intervenant, je peux vous dire que ce n'est pas des petits feux d'artifice de dépanneur présentement au stade. C'est très beau et ça pète très fort. Et bon. Les Aigles emportent ce soir et s'inclinent dans ce programme double. On connaît le dicton, un programme double, ça se divise. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Face à l'équipe de tête de la Ligue CANAM, les Aigles vont chercher une grosse victoire, une 16e cette saison. Et pour les Aigles, et le mot d'ordre jusqu'à la fin de l'année, sous l'air Maxime Poulin, c'est de remporter chacune des séries. Ils ont remporté la série à Ottawa, deux victoires contre une défaite. Demain, le mot d'ordre pour les Aigles, c'est également d'aller chercher la victoire. Si Trois-Rivières gagne demain après-midi contre Québec devant ses propres partisans, ben les Aigles remporteraient la série, une deuxième de suite avec Maxime Poulin comme gérant. Et de fil en aiguille, si les Aigles veulent revenir dans une éventuelle course, doivent gagner toutes les séries, en balayer quelques-unes, oui, mais doivent toutes les gagner. Mathieu, on a un nouvel intervenant. Oui, on dirait que t'animes en direct de Turquie ce soir. Le prochain appel, c'est pour parler encore une fois du congédiement de Pierre-Luc Laforêt. C'est Denis Bayarjou. Bonsoir Denis, ça va bien? Bonsoir, je suis présentement dans la tranchée où il y a beaucoup de couleurs. C'est un excellent feu d'artifice. Denis, pour Pierre-Luc Laforêt, en accord ou en désaccord avec son congédiement?

Ouais, c'est un test, ça. Mais sauf que manque de respect par rapport à ce bonhomme-là qui s'en complit depuis 3 ans. Et puis, il contrôle pas tout ce gars-là. Tu sais, à un moment donné, là, c'est pas juste en le congédiant qu'on va arranger les choses. Ça aurait pu être fait d'une manière plus respectueuse. En fait, c'est donc, regardez un peu ce qui s'est passé. Mais à ce moment-ci, je trouve que ça n'a pas changé grand-chose. Ça fait juste donner un mauvais coup aux amateurs de mes âmes. Bon, c'est mon opinion. Je l'ai exprimé à M. Bergeron. Que je respectais et que je continuerai à supporter le club parce que j'adore avant tout le sport des autres. Et par simple curiosité, Denis, qu'est-ce qui a répondu Marc-André Bergeron? Il était un peu estomaqué de voir mon brassard, honnêtement. Mais moi, c'est ma façon à moi, sans trop d'éclat, de souligner que M. Laforêt a fait un excellent travail. Pas juste au niveau des arts, au niveau organisationnel. Quand on est de cette trempe-là, participe même à la préparation du terrain, pour moi, c'est un handicap. C'est vrai, c'est un homme qui faisait un petit peu tout dans l'organisation, très apprécié par plusieurs, mais malheureusement, les mauvaises performances de l'équipe auront eu raison de son poste. Eh oui. Merci beaucoup, Denis, pour votre intervention ce soir. Très, très, très intéressant. À la prochaine. Au revoir. Donc voilà, c'était Denis Baillargeon qui, lui aussi, était pas en accord avec la décision de congédier Pierre-Luc Laforêt. Donc, les Aigles ont un nouveau gérant, c'est Maxime Poulin, par intérim. Jusqu'à quand? Ça, c'est la question sur toutes les lèvres présentement. Est-ce qu'on va amener quelqu'un pour terminer la saison? Est-ce que Maxime est prêt à terminer la saison? Il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse présentement. Mais pour les Aigles, on doit se concentrer sur le baseball. Les joueurs ne doivent pas prendre en considération qu'est-ce qui se passe. Si le gérant est congédié, il a une raison d'être congédié. Peut-être. Vous avez votre opinion. C'est pour ça que je veux vous entendre ce soir. En accord ou en désaccord avec le congédiement de Pierre-Luc Laforêt? C'est la question de ce soir. Et Mathieu, tu me dis qu'on est prêt? Oui, absolument. C'est M. Bergeron, le gars qui a renvoyé Pierre-Luc Laforêt. C'est ça? C'est l'organisation des Aigles, okay. Avec en tête le président Marc-André Bergeron. Aide-moi pour mon jeu de mots en disant oui. mon jeu de mots, c'est est-ce que tu penses qu'au début de la saison, il a dit « Ah, Laforêt qu'on gagne, Laforêt qu'on gagne. » Oh, voici un qui veut justement parler de Pierre-Luc Laforêt. Donc voici M. Benoît Janvier. Bonjour, Benoît, ça va bien? Oui. Donc, vous, en accord ou en désaccord avec le congédiement de Pierre-Luc Laforêt? Je suis en désaccord parce que, comme que je disais à ton collègue tantôt, moi, je compare ça un petit peu avec le hockey. C'est pas le gérant, c'est pas l'entraîneur qu'il faut qu'il produise des points sur le terrain ou dans sa patinoire, ces affaires-là. Puis, c'est les rois qui devraient se donner un petit coup de pied dans le derrière, comme on dit. Puis c'est eux autres qu'il faut qu'ils performent, qu'ils persévèrent pour remporter des games un petit peu plus. Et puis, comme on dit, je suis en accord avec les autres intervenants auparavant que c'est pas à cause que c'est. Oui, je suis bien d'accord que Pierre-Luc Laforêt a peut-être fait des erreurs, mais comme on dit, C'est avec mes erreurs qu'on apprend, puis ces affaires-là. Fait que, m'a dit, comme qu'on dit, ben, c'est pnat dans ce temps-là, mais faut tourner la page, comme qu'on dit. Exact. Les aigles doivent passer aux choses immédiatement, puisque si dans le vestiaire, on pleure le départ du gérant pendant deux semaines, c'est peut-être deux semaines de trop qui va couler l'équipe encore plus. Non. Fait que, puis, concernant le programme double, ben, j'ai manqué le premier match, mais par contre, j'ai écouté le deuxième au complet, puis c'est sûr que mes erreurs qui se sont produites durant le match, ben, c'est avec ça qu'ils devraient performer un peu plus, puis en faire moins d'erreurs, puis gagner plus de parties, puis en tout cas, moi, c'est mon opinion, et puis j'espère que c'est partagé avec. Avec Simon, avec Mathieu, avec les autres intervenants, puis ces affaires-là, fait que moi, dit, comme qu'on dit, ben, chacun a nos opinions, ben, ça va faire une grosse opinion au bout de la ligne. Et vous avez amplement le droit, puisque ce soir, vous êtes trois contre le congédiement de gérant. Charles est un petit peu partagé, était en accord à cause de la fiche de l'équipe. Donc, merci beaucoup pour votre temps, votre opinion, et merci d'être un fidèle auditeur du Baseball des Aigles. Ben, ça fait plaisir, puis si je peux partager d'autres opinions de même, ben, comme qu'on dit, ben, ça va me faire plaisir de partager d'autres opinions. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis au plaisir de s'en reparler. Mais merci à vous aussi, et à tous les samedis soirs, on aura la chance de se parler lors de la tribune téléphonique pour les auditeurs. Ça va être Tiguidou Retro. Excellent, merci, bonne fin de soirée. Merci, bye. Donc voilà, on parlait avec Denis qui, lui aussi, est en désaccord avec le congédiement du gérant Pierre-Luc Laforêt. Donc, les Aigles ce soir s'inclinent 5-1, ont emporté 4-3 dans le premier match. Ils ont maintenant un dossier de 16 victoires contre 37 défaites. Donc, les Aigles vont être retour sur le terrain demain après-midi. Ils vont aller par la suite au New Jersey cette semaine pour affronter les Jackals trois fois. Ils vont revenir à Québec la fin de semaine prochaine. D'ailleurs, ces trois matchs seront présentés à notre antenne. Et nous sommes en attente d'un autre appel. Et pendant ce temps, bien ailleurs dans la Ligue Can-Am, les Boulders, eux, ce soir, étaient du côté de Ottawa pour affronter les champions. Et présentement, nous sommes en 9e manche là-bas. Les Boulders sont toujours en avant par 2 points. Et du côté de Sussex, toujours en 8e manche, les Miners mènent 4-2 contre les Jackals du New Jersey. Et Mathieu, on a un dernier appel? Oui, on a beaucoup de succès à la ligne ouverte ce soir. Je pense que tu me disais tantôt que c'est parce qu'on a renvoyé Pierre-Luc Laforêt. Là, je te disais, Crime, on devrait renvoyer quelqu'un à chaque semaine. C'est pas mal ça que vous faites, finalement. Wow. Hein? Oh, hein? C'est facile, hein? Ça se passe ces temps-ci du côté des Aigles. Ouais. Mais en même temps, lorsqu'une équipe perd, on doit procéder à des changements. Mais là, cette fois, c'est le gérant qui a dû écoper. C'est du va-et-vient. Tiens, justement, parlant de va-et-vient, on a des nouveaux, des fois, qui nous appellent. Donc, je te présente quelqu'un à qui on n'a jamais parlé jusqu'à maintenant à la ligne ouverte. Donc, c'est Jean Lavigne. Bonsoir, oui, Jean, ça va bien? Oui, ça va très bien. Moi, je suis en désaccord avec le congédiement pour la simple et bonne raison que Pierre-Luc Laforêt ne lançait pas, ne frappait pas et ne courait pas. Mais je peux vous relancer en disant que c'est lui qui décidait des joueurs. Oui, mais il faut comprendre que oui, c'est vrai que le rendement des Aigles n'était pas le rendement qu'on doit s'attendre d'une équipe championne cette année. Mais il faut comprendre aussi que les équipes de la Ligue Can-Am, ils composent avec une réalité que ça prend un certain nombre minimum de recrues à chaque année, maximum de vétérans et entre les deux. Puis il faut ajouter à ça la réalité québécoise. C'est pas tous les joueurs des ligues indépendantes qui sont prêts à venir jouer au Québec. C'est vrai, du côté des Aigles, j'ai parlé à l'organisation, on m'a dit que on regarde du côté de Québec. Une équipe qui on n'a presque pas joueur de l'an passé, une équipe qui est au premier rang de la Ligue. Pourquoi une équipe championne est au dernier rang? C'est peut-être quelque chose qui a influencé dans la décision. Oui, mais aussi, il faut comprendre que moi, j'ai vu beaucoup de matchs sur le web. Et vous êtes puis vous allez être d'accord avec moi, M. La Liberté, que bien souvent, il y a des poussées offensives des Aigles qui ont été stoppées par des décisions douteuses de l'officiel Darryl Lemarbre. Oui, souvent. Et souvent, même quand l'équipe adverse est au bâton, il y a des balles qui ont été des prises qui ont été déclarées balles, puis ça a permis des poussées victorieuses de l'équipe adverse. Tout à fait vrai. Faut mettre ça dans la balance. Là. C'est pas toujours. Oui, c'est vrai que le coach il joue pas. C'est vrai que c'est lui qui il doit motiver ses joueurs aussi. Il y a ça aussi. Là. Mais ça prenait un coup d'éclat dans le fond que je veux dire pour donner une poussée aux joueurs. Là. C'est sûr qu'après un congédiement, il y a toujours une poussée qu'une équipe a plusieurs victoires d'affilée. Pour les joueurs, ils veulent prouver que c'est pas de leur faute. Moi, c'est mon opinion. Là. Je ne mets pas tout sur le dos de Pierre-Luc Laforêt. En même temps, vous êtes d'accord avec moi que Trois-Rivières perd un très bon ambassadeur de baseball. Un oui. joueur qui a connu du succès dans le baseball affilié, a joué quelques matchs chez les pros. Est-ce qu'on va être capable, du côté des Aigles, de chercher un gérant avec un aussi bon pedigree dans son passé? Ça dépend. Là. S'il faut qu'il parle français absolument, les chances sont limitées. Là, mais c'est sûr que si on fait fi de la langue, là, on peut en trouver des bons. C'est sûr. Mais... Et je pose la question. Oui. Coach anglophone à Trois-Rivières, est-ce que ça passerait dans votre cas? Ben, moi, j'ai 54 ans, puis j'ai vécu la Ligue Eastern. Mes coachs étaient anglophones. C'est vrai. On a vu l'opinion publique cette semaine face au congédiement de Pierre-Luc Laforêt. Les gens n'étaient pas contents. Imaginez si on amène un gérant anglophone à Trois-Rivières. Je pense que ça va être pire. Mais si les séries de victoires collent, s'ils collent des exact. Victoires. Tout passe par les victoires. Et ça, on vient de le voir cette semaine. Un congédiement à cause des victoires, à moins qu'il y ait des choses qu'on connaît pas à l'interne entre les dirigeants qui ont forcé Laforêt à le congédier. Oui. Donc, merci beaucoup, Jean, pour votre intervention ce soir. Très intéressant. On se voit demain. Je suis chanceux de faire le lancer protocolaire pour les Chevaliers Colombes. Tout à fait. Vous étiez à l'agenda. On a communiqué souvent par courriel cette semaine. Exact. Donc, on va se voir demain pour ce match présenté à 13h05. C'est parfait. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, voilà. C'était le dernier intervenant, M. Jean Lavigne. Désolé pour le son parfois et mon bégayement, puisque lorsqu'on parle à des auditeurs via téléphone, je m'entends peut-être en triple dans mes écouteurs, donc pas très évident de travailler, mais j'espère que vous avez tout de même apprécié l'expérience pour cette tribune téléphonique de loin, la plus populaire depuis le début de la saison. Les Aigles, ce soir, l'ont emporté 4-3, ont perdu 5-1, et notre prochain rendez-vous, ça va être demain, à compter de 12h55 pour l'émission d'avant-match. En terminant, je tiens à remercier Mathieu Plante qui a fait un très bon travail à la réalisation et mise en onde de ce reportage. Merci. Mon nom est Simon Laliberté. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes. Et on se dit à demain pour un autre match des Aigles à CFOU 89.1. C'était le baseball des Aigles de Trois-Rivières avec Simon Laliberté à la description du match. Pour connaître l'horaire de diffusion des prochains matchs sur nos ondes, visitez lesaigletr.com.